Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Longtemps, le gamin s'était couché de bonne heure à Combray. À peine sa bougie éteinte, ses yeux se fermaient si vite qu'il n'avait pas le temps de dire « je m'endors ». Et vlan, une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil le réveillait, c'est ballot. De toute façon, il repoussait toujours le moment d'aller se coucher de peur d'être éloigné de sa mère. Sa seule consolation quand il montait se coucher était que sa maman viendrait l'embrasser. Et dans cette attente, il imaginait une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Il pensait à Geneviève de Brabant et au crime de Golo. Le petit Marcel Proust aurait mieux fait d'attendre que son père vienne l'embrasser dans son lit, parce qu'Adrien Proust, grand médecin, aurait pu lui raconter ses aventures en Égypte, en Perse, en Russie et dans l'Empire ottoman. Il aurait pu lui raconter aussi comment il a lutté contre la peste, la fièvre jaune et le choléra asiatique. Et il lui aurait sans doute dit « Allez, va jouer dehors, prends l'air, c'est bon pour la santé, ne reste pas confiné dans ta chambre, ça c'est du temps perdu ». Cette semaine, dans le cours de l'histoire, nous nous penchons sur quatre figures de l'histoire du soin et de la médecine. Nous avons rencontré Adrien Loire, le neveu de Pasteur, Angélique Ducoudray. Alors, Angélique Ducoudray, sage-femme, enseignante et sacré tempérament. Avicenne également, hein, au carrefour des mondes et des connaissances. Des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast à la balado-diffusion. Et puis, vous pouvez nous rejoindre pour les commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Adrien Proust, le père de Marcel, donc Adrien Proust, grand médecin. Et pour nous en parler, nous accueillons Stéphane Friou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université Lumière 2. Alors vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à un sujet qui aujourd'hui résonne avec l'actualité, hygiène et santé en Europe, de la fin du XVIIIe siècle au lendemain de la Première Guerre mondiale, et puis d'un autre ouvrage intitulé « Les batailles de l'hygiène, villes et environnements de Pasteur aux 30 glorieuses ». Pasteur aux 30 glorieuses, vous mettez Pasteur, nous sommes vraiment donc Pasteur fin du XIXe, avec une rupture, hein, et c'est ce moment-là d'ailleurs qui fait qu'Adrien Proust devient un personnage imminent. Il se passe quelque chose en cette fin du XIXe siècle autour de ces questions d'hygiène et d'épidémie. Oui, tout à fait. Vous avez évoqué Pasteur dans votre première émission aussi, je crois. Donc Pasteur est bien connu pour la vaccination. Mais autour de Pasteur, il y a toute une école de bactériologie qui va utiliser de plus en plus les microscopes finalement pour scruter l'environnement, déceler les microbes, et essayer de trouver ensuite des tactiques pour lutter contre les microbes. Et cette bactériologie va changer le regard qu'on va porter sur les villes, sur l'environnement en général, hein, que ce soit l'air, l'eau, le sol. Et effectivement, j'ai commencé à travailler sur les techniques qui ont permis d'assainir progressivement les villes, un assainissement que Adrien Proust, dans de nombreux rapports d'expertise réclamait à corps et à cri. Eh bien justement, Stéphane Friou, nous allons accompagner Adrien Proust. Nous allons le suivre tout au long de sa vie parce que Adrien Proust est né en 1834 sous la monarchie de Juillet. C'est un certain monde, en tout cas une certaine conception de la ville, de l'hygiène, des épidémies. Et puis il meurt au début du XXe siècle. Et là, c'est une autre conception de l'hygiène. Et notamment, quand il décède en 1903, il a contribué à changer le regard que l'on peut porter sur l'hygiène. Je vous propose, Stéphane Friou, de commencer par le commencement. Nous allons dans la maison natale d'Adrien Proust. Nous y allons dans une émission qui s'appelle « Un homme, une ville ». C'était sur France Culture en octobre 1978. Et notre guide n'est pas n'importe qui. Notre guide est Roland Barthes, interviewé sur France Culture. Si vous voulez, nous allons prendre cette ruelle, ce passage qui aboutit à la rue du docteur Proust, qui va nous permettre d'ailleurs de voir quelle est la maison natale du docteur Adrien Proust. Cette fois, nous avons fait donc le tour et nous sommes au dos de la maison dont on voyait le magasin sur la place juste en face de l'église. Et cette partie et cette façade de la maison alors a gardé certainement son caractère d'origine. Oui, c'est d'ailleurs une maison vraiment très charmante, même à l'heure actuelle, qui a un beau ton un peu rosé, avec des briques, des géraniums aux fenêtres, des volets gris. qui sont ouvertes par ce très beau temps. Et c'est vraiment une maison qui est presque un aspect un petit peu méridional. C'est tout de même intéressant de se trouver en face de cette maison, parce que c'est à partir de là qu'il va y avoir ce saut dans la hiérarchie sociale. Oui, ici, c'est une toute petite maison modeste. Oui. Où naît le professeur Adrien Proust, oui. Qui lui va devenir un grand bourgeois. Oui, que nous avons laissé au 45. D'ailleurs, Adrien, n'est-ce pas, le père Adrien, a été le premier des Proust à quitter Illier. C'est donc géographiquement l'échelon même, enfin la première marche de l'escalade sociale. Il a quitté Illier, il est venu à Paris faire sa médecine. Et il a été promotion rapide d'ailleurs. Roland Barthes, qui se trouve à Illier, aujourd'hui Illier-Combray, nous sommes en 1978. Adrien Proust est né sous la monarchie de Juillet en 1834. Stéphane Friou, cette date de 1834 ne signifie rien par rapport à la naissance d'Adrien Proust. En revanche, pour quelqu'un qui étudie les épidémies, ces années 1830 sont essentielles. Il y a eu la grande épidémie de choléra en 1832. Les maladies du 19e siècle sont multiples. Hein. Les épidémies sont vraiment au quotidien des gens qui vivent en Europe et même au-delà de l'Europe. Oui, tout à fait. Le XVIIIe siècle est très marqué par la variole. Le début du XIXe siècle est très marqué par la fièvre jaune, qui touche beaucoup la péninsule ibérique et contre laquelle on va mettre en place des cordons sanitaires et une police sanitaire. Et lorsqu'Adrien Proust naît, finalement, le midi de la France, hein, la région d'Aix-en-Provence et de Marseille, connaît cette vague de choléra qui a été aussi immortalisée dans la littérature par Jean Giono. 2 ans après la capitale, Paris est frappé à la fin de l'hiver et au début du printemps 1832. C'est la première grande pandémie européenne de choléra, une maladie venue d'Asie et qu'on ne sait pas combattre à l'époque. Donc on va essentiellement essayer de dépister, de trouver des moyens de prévention pour un retour de la maladie. Et cette hygiène, évidemment, elle est là aussi pour essayer de conserver la santé, de prévenir dans un contexte où la médecine ne sait pas guérir. Effectivement, Stéphane Friou, l'épidémie de choléra de 1832 nous a donné indirectement le hussard sur le toit de Giono. Et puis, elle a des conséquences, voire politiques, on peut dire, parce que le président du Conseil, Casimir Perrier, meurt de l'épidémie. Et vous avez raison hein, d'insister sur cette idée qu'on ne sait pas soigner. Donc, il n'y a d'autre moyen que d'essayer de limiter la propagation. Quels sont les moyens utilisés dans ces années 1830 pour limiter la propagation d'une épidémie? Alors, en fait, les moyens sont très variés. La principale croyance à l'époque est celle que l'épidémie pourrait venir d'infections localisées, de ce qu'on appelle les miasmes, des émanations qui viendraient de matières en décomposition. Donc, on va essayer de faire des topographies médicales, c'est-à-dire des enquêtes géographiques pour identifier les lieux où les citadins laissent croupir les ordures, la proximité entre les puits et les fosses d'aisance où ils font leurs besoins. On va essayer d'identifier les quartiers avec les logements les plus insalubres, où les gens sont les plus finalement ont le plus de promiscuité. Voilà, tout un arsenal d'enquêtes qui sont également liées à une vision assez controversée entre cette idée de foyer d'infection localisé et l'autre idée qui est l'idée de la contagiosité inter-individuelle entre personnes et liée à la circulation, hein, puisque dans ces années 1830, c'est aussi un des premiers grands essors du libéralisme économique et des échanges avec la puissance mondiale qu'est la Grande-Bretagne à l'époque. Et ces épidémies génèrent de nombreux débats. Stéphane Friou, en tant qu'historien de l'hygiène, en tant qu'historien de la santé, en étudiant le 19e siècle, et même plus généralement hein, 18e et puis début 20e siècle, vous disposez de sources considérables et notamment d'énormément de débats, d'écrits, de plaquettes, de réponses. Les médecins réfléchissent énormément à ces questions d'épidémie. Oui, bien sûr, puisque... depuis l'époque napoléonienne, la France est de plus en plus mise en statistique. Hein, donc on va disposer de nombreuses statistiques de mortalité ou même de morbidité à mesure que les cas sont déclarés. Et donc il faut réfléchir finalement à identifier les foyers de mortalité, à essayer de trouver les causes locales ou non locales, justement quand il y a pu avoir des cas importés par la circulation, ce qui génère beaucoup de débats, d'autant que à la fin des années 1820, se crée la première revue d'hygiène au monde, les Annales d'hygiène publique et de médecine légale, donc créée à Paris par finalement des hygiénistes qui sont également déjà des conseillers du prince, enfin des conseillers de la préfecture de police et du gouvernement français. Avec des modes de pensée qui expliquent pourquoi les réflexions sur les épidémies se développent au XIXe siècle, parce que vouloir lutter contre la maladie est quelque chose d'intemporel, de séculaire, mais au XIXe siècle, cette réflexion s'adosse à d'autres réflexions qui sont notamment celles, je pense, à Saint-Simon, au bien-être des populations, une réflexion plus globale sur la société, et cet ensemble crée vraiment tous ces débats autour de la maladie et de l'hygiène. Oui, il y a effectivement cette pensée nouvelle de la société où le progrès technique, hein, puisque Saint-Simon aussi croit beaucoup dans le progrès technique, le progrès technique va peut-être permettre l'amélioration des conditions de vie. L'histoire l'a beaucoup montré aussi pour la croyance à la possibilité de réduire les pollutions industrielles qui sont parfois accusées aussi de favoriser les maladies. Et puis, il y a aussi une pensée sur l'amélioration du sort des pauvres ou sur la volonté d'éradiquer la pauvreté que l'on trouve beaucoup en Grande-Bretagne, hein, à la même époque, dans les années 1830-1840, sous la plume d'un avocat, Edwin Chadwick, qui va être considéré comme un des pères de la salubrité publique et de l'hygiénisme au XIXe siècle. Eh bien, justement, Stéphane Friou, je vous propose que l'on écoute un petit peu ce que pouvait être une ville au XIXe siècle, une description de ville. Alors, c'est une ville fictive, hein. Elle s'appelle Cooktown, on sent qu'il y a du charbon pas loin. Elle est décrite dans Les temps difficiles de Charles Dickens, c'était en 1854, et c'est une lecture par Daniel Königsberg. C'était une ville de briques rouges, ou plutôt de briques eussent été rouges si la fumée et les cendres l'avaient permis. Mais telle qu'elle était, c'était une ville d'un rouge et noir peu naturel qui rappelait le visage enluminé d'un sauvage. C'était une ville de machines et de hautes cheminées, d'où sortaient sans trêve ni repos d'interminables serpents de fumée qui se traînaient dans l'air sans jamais parvenir à se dérouler. Elle avait un canal bien noir, et une rivière qui roulait des eaux empourprées par une teinture infecte, et de vastes bâtiments percés d'une infinité de croisées, qui résonnait et tremblait tout le long du jour, tandis que le piston des machines à vapeur s'élevait et s'abaissait avec monotonie, comme la tête d'un éléphant mélancolique. Elle renfermait plusieurs grandes rues qui se ressemblaient toutes, et une foule de petites rues qui se ressemblaient encore davantage, habitées par des gens qui se ressemblaient également, qui sortaient et rentraient aux mêmes heures, faisant résonner les mêmes pavés sous le même pas, pour aller faire la même besogne, pour qui chaque jour était l'image de la veille et du lendemain. Chaque année le pendant de celle qui l'avait précédée ou de celle qui allait suivre. La description d'une ville fictive par Charles Dickens en 1854, lue par Daniel Königsberg. Stéphane Friou, c'est vrai que nous sommes dans une question qui est prégnante dans l'attention portée à l'évolution des sociétés, de donner une image plus saine de la ville. L'hygiène est quelque chose, est un phénomène qui marque le 19e siècle, et quand on lit mais même la littérature, on retrouve toujours ces questionnements autour de l'hygiène. L'hygiène est une vraie préoccupation. Oui, donc dans ce contexte où beaucoup de maladies ne se soignent pas très bien, il y a une pléthore de traités d'hygiène, il y a aussi des premiers enseignements d'hygiène dans les facultés de médecine à Paris, à Strasbourg par exemple, et il y a à la fois, par exemple, une hygiène privée, hein, donc on réactive des conseils qui pouvaient exister depuis l'Antiquité, faites ceci, faites cela, donc en fonction de conception du corps, de la vie des organes, qui sont encore des conceptions souvent évitées de la médecine donc antique ou médiévale. Et à côté de tous ces traités d'hygiène privée, la grande nouveauté, c'est donc cette hygiène publique, hein, dans le titre de la revue, donc les Annales d'hygiène publique, une hygiène qui doit conseiller le prince, conseiller le pouvoir politique, à la faveur de l'épidémie de choléra dont nous venons parler, des commissions sanitaires sont créées dans de nombreuses villes françaises, auprès des maires, auprès des préfets. Et cette hygiène donc va monter en puissance tout au long du siècle, avec l'espoir d'inspirer le législateur ou d'inspirer des mesures concrètes qui puissent faire que finalement l'hygiène privée est liée à la responsabilité individuelle. Ça ne marche pas forcément toujours, et donc que l'on puisse imposer des changements environnementaux, des changements sociaux qui, eux, seraient beaucoup plus efficaces. Alors, Adrien Proust, qui est né à Lier, en Eure-et-Loire, en 1834, devient médecin à Paris. Comment se fait cette ascension sociale, Stéphane Friou? C'est toujours difficile à comprendre cette évolution. Adrien Proust est un bon élève, bien sûr. Et puis, nous sommes dans une période où, comme aujourd'hui, la médecine est une voie d'ascension sociale pour un fils d'épicier. Oui, voilà. Il est issu d'une bourgeoisie provinciale, finalement. Hein. C'est une épicerie qui vend également d'autres choses. C'est quand même une bonne bourgeoisie commerçante. Mais il n'est pas issu du tout d'une bourgeoisie médicale parisienne. Voilà. C'est pas un héritier de ponte de l'hôpital parisien. Donc il va quand même devoir aussi payer ses études dans la capitale. Se fait employer à l'hôpital, donc il est d'abord professeur qui exerce en hôpital, il fait également de la clientèle privée, et son ascension sociale décolle à la fin des années 1860, dans un contexte donc de nouvelles pandémies de choléra, et également d'épidémies de peste. Hein. Donc le choléra avait frappé l'Europe encore en 1866, et en 1869, il est envoyé en mission en Russie et en Perse pour essayer de comprendre comment se transmet les épidémies, se transmettent les épidémies dans ces régions qui sont des régions intermédiaires finalement entre l'Asie, hein, l'Inde britannique notamment, ou le Moyen-Orient et l'Europe. Et sa mission va être suivie d'une publication à peu près au moment où Marcel Proust naît, au début des années 1870. Et tout de suite, évidemment, ses pairs reconnaissent la grande qualité de son travail et il va commencer à devenir quelqu'un d'important à qui l'on confie de plus en plus de missions. Adrien Proust devient médecin, il fait d'ailleurs ses études, hein, sous le Second Empire. Le Second Empire est un moment intéressant, bien sûr, vous l'avez évoqué Stéphane Friou, mais c'est un héritier de cette France napoléonienne où l'on veut tout mesurer, tout calculer. Napoléon III, héritier des idées de Saint-Simon, lui aussi est dans ses réflexions de se dire « je veux comprendre les choses » et il pousse les scientifiques, et vous évoquez les enquêtes hein, menées jusqu'en Russie, jusqu'en Orient. Mais la guerre a toujours son importance dans ces questions de santé. Je vous propose l'extrait d'une émission « Flash sur le passé ». C'était en mai 1965 où il était question de l'origine des organisations internationales de santé et nous sentons bien que ces questions-là sont liées à la guerre. Avant la création de la Croix-Rouge, les blessés abandonnés croupissaient et souffraient jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il y avait bien eu quelques âmes charitables, quelques accords et quelques conventions entre belligérants, mais ces timides tentatives n'étaient restées que mesures particulières. Il faut attendre la guerre de Crimée en 1854 et le dévouement d'une Anglaise, Florence Nightingale, pour que cette charité individuelle devienne un mouvement général. L'héroïsme de cette femme a un tel retentissement que pour la première fois, les esprits sont prêts à entendre un message humanitaire. Flash sur le passé en 1965 sur l'origine des organisations internationales de santé. Stéphane Friou, la guerre de Crimée est un moment important sur la réflexion portée sur la condition de vie. Mais alors, bien sûr, parce qu'il faut protéger les soldats, et puis les épidémies qui se déclarent peuvent mettre en péril les batailles. Donc il y a un intérêt politique, militaire, à ces questions de santé. Ce qui se fait pendant la guerre, hein, nous le savons, a souvent des conséquences pour le après. Oui, tout à fait. On est encore dans une époque, une sorte d'ancien régime de l'art militaire, hein, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Finalement, c'est les épidémies et le contexte environnemental en général des guerres qui font plus de morts que l'armement lui-même. Au début du XIXe siècle, la chirurgie également fait des progrès. L'art de l'infirmier et de l'infirmière se développe dans le contexte de cette guerre de Crimée. Et puis, il y a aussi un choc qui frappe la France à la fin du Second Empire. Hein. C'est la guerre de 1870, où une épidémie de variole se déclare dans l'est de la France. Et le taux de vaccination contre la variole étant très faible en France, parce que la pratique qui avait été imposée justement à l'époque napoléonienne, à l'époque du Premier Empire, s'était un peu perdue. Le taux de vaccination étant beaucoup plus faible que celui des armées prussiennes, la France va perdre des dizaines de milliers d'hommes, soit de morts, soit simplement parce qu'ils sont mis hors d'état de combattre par la maladie. Ça va bien sûr aussi créer un choc sanitaire par rapport, suite à cette défaite, hein, différents médecins demandent dès 1872 la création d'un ministère de la santé publique, donc qui fait partie de ces réponses au choc de la défaite de 1870-71. Et nous voyons que cette période, pour Adrien Proust, comme pour tous les Français, est une période d'intensité émotionnelle, parce que il y a cette défaite majeure, hein, la perte de l'Alsace-Lorraine, et puis la commune insurrectionnelle de Paris qui suit ces événements. Adrien Proust, donc, dès la fin du Second Empire, en 1869, fait des missions. Il est parti. Alors, il est parti en Orient, là où l'on sait que naissent les épidémies. C'est la vraie question, nous le sentons, hein, dans ses préoccupations, c'est quelles routes peuvent parcourir ces virus. Enfin, on parle pas de virus encore, on cherche à comprendre quelles routes parcourent ces maladies pour arriver jusqu'à chez nous. C'est vraiment ça, hein, son travail, mais ça l'oblige à mener une vie d'aventure. Oui, c'est vrai que les communications à l'époque sont quand même beaucoup plus lentes que de nos jours. Donc, on part pour de longues semaines, voire de longues mois. Les médecins font partie de ces voyageurs. Avant même la mission d'Adrien Proust, la France avait créé des postes de médecins sanitaires, hein, au Levant, comme on disait à l'époque, donc dans l'Empire ottoman. Comme d'autres pays européens, en fait, il s'agit de surveiller les foyers de peste, ou de choléra, donc dans un Proche-Orient où de nombreux pèlerins se rendent à la Mecque faire leur pèlerinage en provenance d'Inde, en provenance de Malaisie, enfin j'emploie les noms des pays actuels, les circulations maritimes qui sont facilitées par l'ouverture du canal de Suez, hein, également à la fin de ces années 1860, sont une nouvelle menace pour les ports de la Méditerranée, les ports italiens, les ports français, les ports espagnols, dans lesquels les navires peuvent faire relâche avant parfois d'aller jusqu'en Angleterre. Donc tout ce Moyen-Orient, du sud de la Russie jusqu'à la péninsule arabique, va faire l'objet d'une surveillance sanitaire dans un contexte également d'impérialisme déguisé. Parce que, on le sait, on le dit souvent, l'Empire ottoman est l'homme malade de l'Europe, et justement, ces maladies endémiques là-bas sont vues comme menaçantes pour la civilisation européenne. Et de ces enquêtes, Adrien Proust tire un livre, publié très peu de temps après. Il est publié en 1873. Il s'intitule « Essais sur l'hygiène internationale ». Il est sous-titré « Ses applications contre la peste, la fièvre jaune et le choléra asiatique ». Nous allons en écouter un extrait qui nous est lu ce matin dans le cours de l'histoire sur France Culture par Daniel Koenigsberg. Pendant tout le Moyen-Âge, l'idée de la contagion a régné sans partage. Et dès que les progrès de la civilisation et l'organisation plus régulière des sociétés modernes ont permis de mettre en pratique les données de la théorie, on s'est efforcé de circonscrire les épidémies et d'en arrêter la marche envahissante par une surveillance rigoureuse et des mesures sanitaires plus ou moins adaptées à leur but. Mais depuis la fin du siècle dernier, des idées tout opposées se sont fait jour. Et l'on a vu des observateurs du plus grand mérite s'élever d'une manière générale contre la doctrine de la contagion et les conséquences pratiques que l'on prétendait en tirer. la suppression des quarantaines, l'abolition de toutes les entraves qui peuvent gêner le commerce et la libre circulation des voyageurs et des marchandises. Tels sont les résultats les plus immédiats de cette opinion nouvelle. On comprend dès lors la faveur dont elle a naturellement joui chez les peuples mercantiles, et l'on a guère été surpris, dans la conférence sanitaire de Constantinople, de voir le représentant de l'Angleterre s'élever au nom de l'humanité contre des mesures destinées à restreindre la liberté des échanges et gêner les transactions commerciales. Daniel Königsberg qui nous lit un extrait de l'essai sur l'hygiène internationale d'Adrien Proust. Dites-nous Stéphane Friou, nous entendons dans cet extrait Proust qui évoque des pratiques anciennes qui datent de la Grande Peste, qui datent du XIVe siècle, la pratique de la quarantaine, la surveillance en fait des circulations, et il dit que tout cela a été peu à peu abandonné. Comment a-t-on oublié l'utilité que peut avoir une quarantaine, surtout en Méditerranée? En fait, la quarantaine tombe un peu en désuétude à mesure que le commerce et la circulation maritime se développent. Mais les pays ont quand même réactivé ces dispositifs au début du siècle, hein, notamment dans le contexte d'épidémies de fièvre jaune, parfois importées des Antilles, de zones tropicales et ensuite se développer en Espagne. Donc il y a les lazarets, hein, les lazarets des îles du Frioul au large de Marseille, par exemple. Là, il y a tout un réseau de lazarets qui sont réactivés, finalement, y compris sur la côte atlantique, durant ce 19e siècle, mais avec un conflit entre les pays qui vont croire dans l'efficacité de la quarantaine, avec différents types de mise en quarantaine, ça peut être 10 jours, ça peut être 15 jours en fonction des maladies, et des pays comme la Grande-Bretagne qui, au nom du libéralisme, pousse à arrêter ce type de pratique et préfère une surveillance dans les foyers en Inde ou dans l'Empire ottoman. Et Adrien Proust, pendant toute sa carrière, quasiment, donc de 1873 à 1903, ne va pas cesser de combattre l'idée libérale et britannique justement, qui consiste à arrêter les pratiques de quarantaine. Donc il y a deux écoles, l'école française et l'école britannique, qui s'affrontent dans des conférences sanitaires. Hein, Proust, en 1874, après l'ouvrage dont vous venez de parler, est délégué français au congrès sanitaire de Vienne. Et dans la suite de ces congrès sanitaires internationaux, il ne va pas cesser de combattre les adversaires de la quarantaine. Effectivement, il faut bien rappeler que des organisations, enfin des embryons d'organisations internationales sont mises en place. Hein. Ce sont les conférences sanitaires internationales. La première s'était tenue en 1851. Et puis, il est difficile en fait de faire dialoguer ce que Adrien Proust appelle les peuples mercantiles, donc plutôt au nord. Et puis, les autres, ces conférences sanitaires internationales arrivent malgré tout au moins à faire avancer le dialogue entre les nations, Stéphane Friou? Oui, c'est vrai que c'est un dialogue. Des conventions sanitaires existaient également de façon bilatérale. Hein. Il y en avait une entre Napoléon III et le roi de Sardaigne en 1853. J'ai d'ailleurs noté que son article premier propose de mettre un pays en quarantaine, entre guillemets. Vous voyez, donc il y a ce concert des nations qui se concrétise également sur le plan sanitaire. Donc finalement, c'est un peu le paradoxe aussi de cette période. On fait à la fois des traités de libre-échange et puis également des traités de protection sanitaire internationale. Et puis pour Adrien Proust, la question ne se pose pas uniquement à l'international. Hein. Adrien Proust est un médecin, donc il œuvre à Paris, hein. Il s'installe à Paris, il œuvre à Paris, donc il a voyagé pour observer ce qui se passe dans le monde sur ces questions sanitaires internationales, mais ça ne lui prend pas tout son temps. Il réfléchit aussi aux questions de l'hygiène à l'intérieur de la ville. Oui, voilà, peut-être qu'on va en parler aussi. Il a également visité beaucoup de villes françaises, effectivement, à la fin du 19e siècle, pour essayer de réfléchir à la façon dont on peut éviter les épidémies qui se surviennent à Marseille, à Toulon, ou dans d'autres villes. Donc il fait partie de cette école française d'hygiène urbaine qui, dans le sillage des travaux du Second Empire et des travaux menés également en Grande-Bretagne, va promouvoir l'adduction d'eau potable de bonne qualité, la création de grands réseaux d'égouts donc qui enterrent l'évacuation des eaux usées et des excréments humains pour éviter la propagation de maladies. Avec cette question hein, qui préoccupe les autorités, alors que ce soit dans les pays du Nord, l'Angleterre, mais que ce soit en France, évidemment, vous l'avez rappelé, Stéphane Frioux, ce sont les travaux que l'on dit d'Haussmann, comme s'il avait tout fait, alors qu'il y a Belgrand, ils sont de nombreux autres, à notamment réfléchir aux égouts, parce que nous sommes à un moment où le pot de chambre est roi et le pot de chambre se vide par une fenêtre. On jette tout dans la rue, ce qui donne du travail aux chiffonniers. Et je vous propose d'écouter Germaine Montero qui chante, qui rend hommage aux chiffonniers de la Bastille, une chanson sur des paroles de Marcel Saint-Martin. À la Bastille, y a un grenier, à ciel ouvert sur le monde entier. Dans ce palais, un chiffonnier vend les débris de son passé. Et puis là, il a mille sirènes dans son domaine. Et puis là, il a mille sirènes. C'est un amant de qualité, disent les filles du quartier, avec de l'or en quantité, un type qui a beaucoup de métier. Et puis là, il a un cœur qui brille sous les guenilles. Et puis là, il a un cœur qui brille. C'est un pinson, un oiseau lyre. Il a du ciel dans son sourire, des mains plus douces que l'été, des yeux coquins, le teint doré. Et puis là, il a, dans sa voiture, quelle aventure. Et puis là, il a, dans sa voiture, des mannequins, des scaphandriers, des coffres forts pour les rentiers, un vieux phoneau en mille morceaux et des bouquets en plumes d'oiseaux. Et puis là, il a, sur la poitrine, une églantine. Et puis là, il a, sur la poitrine, la rose bleue que lui laissa le seul amour qui le blessa, dans un bistrot où l'on gambille un soir d'automne à la Bastille. Et puis là, il a, comme tout s'achève, Paris qui rêve. Et puis là, il a, Paris qui rêve entre ses bras. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. C'était le chiffonnier de la Bastille, chanté par Germaine Montero dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares, avec aujourd'hui Nasser Moussaoui à la technique. Et aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous voyageons avec Adrien Proust, le papa de Marcel Proust, et avec Stéphane Frioux. Stéphane Frioux, c'est vrai que l'état des villes est un vrai questionnement et nous sentons en ce 19e siècle que l'hygiène est une préoccupation. Expliquez-nous, selon ce que vous avez pu étudier, si ces préoccupations viennent des autorités, viennent du haut, du gouvernement, et puis descendent, s'appliquent, ou est-ce qu'il y a des réflexions qui partent du bas avec la volonté de changer les choses, une prise en compte de nouvelles questions, celles de l'hygiène? En fait, le tableau est assez complexe. On pourrait dire que les deux vont de pair. Hein. Il y a à la fois l'établissement, par exemple, en 1848, d'un conseil consultatif d'hygiène publique au niveau central, donc à Paris, qui va recueillir des observations venues de toute la France, et puis de commissions départementales sous la houlette des préfets, donc chargées de repérer les foyers d'infection, comme on dit à l'époque, dans les villes, et de préconiser des travaux d'assainissement, donc d'égouts, de destruction de d'îlots insalubres de logements. Dans les archives, on voit bien que dans certains départements, les préfets ne sont pas forcément très favorables à réunir ces commissions sanitaires. C'est pas forcément la priorité. Et donc, il y a parfois des initiatives locales, originales, comme en 1878-79, au Havre, où est créé le premier bureau municipal d'hygiène. Donc, cette fois-ci, une structure municipale qui va faire une surveillance des épidémies, voire même une cartographie sur le modèle de ce qui s'était créé à Bruxelles il y a quelques années auparavant. Voilà. Donc le combat de Proust et de ses collègues va être, dans les années 1880-90, d'arriver à convaincre les parlementaires de prendre une grande loi sanitaire pour que l'hygiène soit pratiquée partout sur le territoire national. Une loi qui aurait pu permettre de créer des inspecteurs sanitaires donc dans tous les départements français, qui auraient pu avoir des pouvoirs coercitifs, un peu sur le modèle de ce que les Britanniques, ce pays qu'on croit pourtant tellement libéral, avaient déjà institué. Oui, c'est le paradoxe, hein, d'ailleurs, le pays libéral qui, en fait, pose une vraie réflexion sur la manière dont il faut appréhender alors les épidémies et plus globalement l'hygiène publique. Et nous sentons que dans cette fin du 19e siècle, et Adrien Proust vit vraiment cela dans son quotidien, il y a des changements majeurs, notamment l'université, la faculté réfléchit à ces questions d'hygiène. Il y a une chaire d'hygiène qui devient importante parce qu'elle est influente. Il y a des inspecteurs d'hygiène. Alors, au niveau municipal, est-ce qu'Adrien Proust est entendu dans ce moment-là? Est-ce qu'il y a une vraie volonté de changer les choses? Est-ce que cette préoccupation n'est pas seulement celle du monde médical ou celle, on va dire, de la littérature, mais est-ce qu'elle arrive à toucher le pouvoir? Ça dépend des configurations. Dans mes travaux précédents, donc j'avais dépouillé quand même les archives de plusieurs dizaines de villes, et ce que l'on voit, c'est qu'il y a des configurations particulières. Une ville est frappée d'une épidémie grave, où un médecin arrive à la tête de la municipalité, où un débat politique a lieu à propos de l'hygiène, et à ce moment-là, on crée un bureau municipal d'hygiène, où on va décider de faire un grand travail d'assainissement et de créer un grand réseau d'égouts. Mais créer un grand réseau d'égouts, ça signifie également emprunter des millions de francs de l'époque et endetter la ville pour des dizaines d'années. Et ce principe de l'hygiène urbaine, par des grands travaux, peut heurter les conceptions de l'époque qui sont de gérer les deniers publics en bon père de famille et de ne pas contracter trop d'emprunts. Donc les batailles finalement de l'hygiène, c'est aussi une bataille des scientifiques pour convaincre le pouvoir politique à tous les niveaux, des parlementaires ou du gouvernement jusqu'aux maires des villes de province, de la nécessité de consacrer des fonds publics à des travaux d'assainissement pour prévenir le retour potentiel de maladies. Donc le choléra, évidemment, avec son spectre qui plane tout au long du siècle, mais des maladies qui sont également mortelles, comme la fièvre typhoïde, qui est aussi une maladie donc qui se développe dans le système intestinal et qui fait chaque année plus de 20 000 morts en France tout au long des années 1880-90. Stéphane Friou, c'est vrai qu'il n'est pas possible de faire de l'histoire de la santé sans faire de l'histoire économique et de l'histoire sociale. Nous sentons bien que tout est lié, et vous évoquez ces différentes maladies et puis les cas particuliers selon les villes, et puis on pourrait même le dire selon les régions. Je vous propose par exemple d'écouter un extrait du film Germinal de Claude Berry en 1993, d'après Germinal d'Émile Zola, où effectivement les questions de santé ne sont pas les mêmes que dans d'autres régions de France. Il y a longtemps que vous travaillez à la mine? Je suis descendu, j'avais pas 8 ans. Puis tenez, j'en ai 58 maintenant. Calculez. C'est pas du sang? Non, c'est du charbon, ça. J'en ai dans la carcasse de quoi me chauffer jusqu'à la fin de mes jours. Ça fait 5 ans que je suis pas descendu. J'avais tout ça en magasin sans le savoir. Ça conserve. Oh. Allons-y, ma poule. Si monsieur Hennebeau nous voit en train de feignasser. T'as monsieur Hennebeau, la mine? Non, c'est le directeur. Il touche sa paye comme nous. Alors à qui est-ce donc tout ça? Tout ça, on sait pas. À 10 ans. Germinal, hein, un extrait du film de Claude Berry où Jean Carmet tousse, et ça fait mal de l'entendre tousser. Stéphane Friou, les questions d'hygiène varient selon les régions, et j'imagine que par exemple dans le Nord, il y a d'autres questionnements que dans le Sud. Le Sud qui, par exemple Marseille, conserve le souvenir des grandes épidémies, la peste de 1720, ce n'est pas si loin que ça. Donc il y a des différences selon les régions? Oui, il y a des différences également selon les spécialisations des villes. La France donc est quand même un grand pays militaire à l'époque, et tout le long du littoral, il y a des villes militaires, des ports, des arsenaux, Cherbourg, Lorient, Toulon, où un rassemblement de jeunes hommes d'une vingtaine d'années qui sont là pour leur engagement militaire ou pour leur service. Favorise aussi, hein, évidemment, cette promiscuité, favorise des foyers de contagion. Voilà. Donc, il y a à la fois des villes qui sont réparties sur tout le territoire national, et puis, évidemment, il y a également des différences régionales. Donc, dans le nord de la France, où on se chauffe au charbon, les atmosphères sont plus polluées qu'auprès de la Méditerranée. C'est aussi une grande différence entre Londres, par exemple, qui est déjà une métropole extrêmement soumise à la pollution atmosphérique, ou évidemment les villes du sud de la France, comme Biarritz, Nice, qui sont censées être des villes où l'on va respirer le bon air, et où la bonne bourgeoisie russe ou anglaise, l'aristocratie, va prendre le bon air durant les mois d'hiver. Oui, ça a une conséquence économique, celui des stations balnéaires, par exemple, qui sont créées dans les années 1860, l'attrait de la montagne. C'est vrai que ces questions d'hygiène sont beaucoup plus larges. Elles peuvent permettre de comprendre l'ensemble d'une société. Stéphane Friou, quand vous étudiez ce monde-là, nous avons mis en place un petit peu cet ensemble de contextes. Nous voyons qu'il est très complexe parce que tout est lié. Adrien Proust devient un personnage imminent dans cet univers. Il est porté, en fait, parce qu'il s'est spécialisé aussi dans ces questions qui préoccupent à la fin du 19e. Oui, voilà. Donc, à l'été 1884, une épidémie de choléra frappe encore la France, notamment Marseille, Toulon, la région parisienne. Il y a près de 5000 morts. Et à l'automne 1884, il devient inspecteur général des services sanitaires. Donc, il a un très haut poste auprès du ministère de l'Intérieur. On crée au même moment à peu près une direction de l'assistance et de l'hygiène publique qui est confiée à un ancien préfet qui avait d'ailleurs fait une mission en Angleterre pour regarder comment l'Angleterre luttait contre le choléra et faisait des travaux d'hygiène. Et dès lors, dans les 20 dernières années de sa vie, Adrien Proust multiplie les rapports au comité consultatif d'hygiène de France, hein, les missions sanitaires. Il se rend donc plusieurs fois à Marseille, à Toulon, dans les villes balnéaires de la Côte d'Azur pour voir si leur état sanitaire justement est bien compatible avec l'accueil de ces touristes. Il continue à fréquenter les commissions sanitaires internationales, hein, puisque il va à celle de Paris en 1903, quelques mois avant de mourir, et c'est vraiment donc l'un des tout premiers hygiénistes nationaux, avec quelques autres comme Brouardel, qui est à la faculté de médecine de Paris, et dont les écrits ont une autorité morale incontestable. Stéphane Friou, ses écrits avec une autorité morale incontestable, quand ils sont publiés à la fin du 19e siècle, gardent malgré tout une résonance. Vous connaissez bien en fait l'évolution du discours autour des questions d'hygiène. C'est vrai que dans les rapports d'Adrien Proust, il y a des choses pertinentes. Un rapport sur l'assainissement des villes, donc écrit par Adrien Proust en 1889, pose toutes ces questions. Et il suffit de regarder les mots utilisés. Il y a assainissement, désinfection. On a toutes ces questions qui nous préoccupent encore aujourd'hui. Et vous trouvez, en les lisant, ces textes, qu'ils ont pas tellement vieilli ? Oui, tout à fait. On retrouve finalement dans les bureaux municipaux d'hygiène qui se créent à l'époque, ou dans les rapports d'Adrien Proust, un arsenal de mesures, le dépistage, la désinfection, la vaccination, l'analyse de l'environnement, qui finalement sont évidemment des moyens de lutter contre les maladies contagieuses, avec simplement une évolution des procédés techniques, hein, mais il y a également des rapports sur les procédures de fumigation, de désinfection au soufre et de différents produits qui sont soumis au conseil d'hygiène à l'époque, donc qui peuvent nous faire penser au virucide de l'année 2020. Et puis, il est aussi intéressant de remarquer qu'on est dans une époque qui pense une nouvelle forme de solidarité entre les nations et les citoyens, parce que la bactériologie, donc développée dans les années 1880, identifie les fameux micro-organismes responsables du choléra, de la fièvre typhoïde ou encore de la tuberculose. Et Proust, dans le rapport que vous évoquiez, a cette phrase: si un citoyen ou une ville manque aux lois de l'hygiène, ils deviennent un danger pour les voisins et les cités du même pays. Voilà. Donc on voit que l'hygiène aussi a une tendance à pouvoir prescrire des mesures coercitives, des mesures de restriction de liberté, ou à essayer d'imposer des assainissements urbains. Il est écrit qu'il faut forcer les municipalités des villes malsaines à s'assainir, parce que les statistiques de mortalité deviennent insupportables, ne sont plus tolérées de la même façon qu'elles pouvaient l'être dans les années 1830. Adrien Proust propose, il publie des rapports, il est écouté, mais après il faut réfléchir aux conséquences politiques. Alors oui, il y a des conséquences politiques, il faut attendre 1902, hein, la loi relative à la protection de la santé publique. Dans quel contexte se met en place cette loi qui est influencé hein, par la pensée, par les réflexions d'Adrien Proust? Oui, c'est donc un contexte de longue bataille entre les tenants de l'hygiène et de la prévention, notamment au nom de cette solidarité sanitaire qui unit les membres d'un même pays. Il y a un penseur et homme politique de l'époque, Léon Bourgeois d'ailleurs, qui se fait le théoricien du solidarisme. Et puis les sénateurs et des parlementaires beaucoup plus conservateurs, rétifs, libéraux, qui défendent d'abord le droit du citoyen ou des municipalités finalement à faire ce qu'elles jugent bon, donc à une sorte d'auto-administration, d'auto-gouvernement. Voilà, il y a un long face-à-face entre les défenseurs des libertés locales et des libertés publiques et les défenseurs de la prévention avant tout. Donc la loi de 1902 qui rentre en application l'année 1903, l'année de la mort d'Adrien Proust, est un peu la consécration de tout ce qu'il a prôné depuis les années 1870. On va obliger les Français à vacciner leurs enfants contre la variole. On va obliger les villes de plus de 20 000 habitants à créer des bureaux municipaux d'hygiène. On va accentuer le processus de surveillance des logements insalubres et de prescription de travaux d'office aux propriétaires des logements insalubres. On va même créer un article qui puisse forcer les villes à être assainies si leur taux de mortalité dépasse trop la mortalité moyenne de la France. Mais quelques années après, les hygiénistes sont insatisfaits d'ailleurs de cette loi et vont dire que l'on a trop décentralisé la loi et que la France reste un pays d'assainissement en ordre dispersé en fonction des bonnes volontés locales. Oui, ce sont des choses que l'on retrouve aujourd'hui, Stéphane Friou. C'est vrai que la dispersion et l'initiative locale, nous la vivons actuellement. Et puis, mais ça c'est à une échelle internationale, la discussion sur la réponse à donner à une pandémie, ben voilà, c'est un peu des réflexions qui font écho à celle du temps d'Adrien Proust, avec vraiment cette idée qu'il décède en 1903, qu'il a quand même réussi à influencer, même à changer les choses grâce à des lois, mais que ses idées demeurent. Adrien Proust est quelqu'un qui permet de comprendre comment on en arrive à la création de l'Organisation mondiale de la santé. C'est beaucoup plus tard, c'est en 1948, mais les idées sont déjà là en germe. Voilà, tout à fait. Donc on a évoqué son travail dans les conférences sanitaires internationales. À Venise, en 1892, il défend encore l'idée d'une structure internationale permanente pour mettre en œuvre une charte sanitaire, selon ses mots. Et c'est ce qui finalement va devenir l'Office international d'hygiène publique, qui est créé en 1907 à Paris, quelques années après sa mort. Après la Première Guerre mondiale, on crée la Société des Nations, et dans cette Société des Nations, un des organes les plus actifs va être un comité d'hygiène qui va lancer des enquêtes, qui va essayer d'œuvrer à l'amélioration sanitaire dans les Balkans et dans des zones qui étaient éventuellement moins médicalisées que l'Europe occidentale. Et tout cela est héritier, effectivement, des théories d'Adrien Proust et de ce combat pour que l'État, les puissances publiques investissent dans la prévention. Merci beaucoup Stéphane Friou de nous avoir accompagnés aujourd'hui en compagnie d'Adrien Proust. Et la biographie d'Adrien Proust est intéressante, le personnage est fascinant, mais c'est aussi l'occasion d'évoquer l'histoire de l'hygiène, une histoire qui fait écho à notre présent. Merci à vous. C'est le cours de l'histoire, une émission préparée par Anne Toscane-Viudès, Marion Dupont, Camille André, Camille Rijade et une programmation assurée par Amélie Perrault. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast et la balado-diffusion. Vous pouvez nous rejoindre pour les commenter sur le groupe Facebook et pour continuer avec la famille Proust après le père, le fils. Oui, mais ça c'est dans Les chemins de la philosophie par Adèle Vendrette. C'est juste après Marcel Proust, le confiné, et nous nous retrouvons demain pour l'histoire sur grand écran, alors que France Culture célèbre le cinéma tout le week-end. Âge sombre et salles obscures, monstres, invasions extraterrestres, projets scientifiques fous, apocalypse. Comment le cinéma de science-fiction s'est-il fait l'écho des inquiétudes du siècle? On pourra rajouter épidémie.